حياكم الله يا إخوة، أيكم يذكرنا بالحديثين اللذين أخذناهما في الدرس الماضي؟ كي parmi vous peut nous rappeler les deux hadiths qu'on a appris lors du dernier cours؟ تفضل. لمن أعلم الدنيا. أحسنت. الثاني. من أحدث أمرنا. أيوة ما شاء الله جيد. أحسنت. Donc le premier hadith c'était celui de Omar رضي الله عنه. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que les actes ne valent que par les intentions. Et le deuxième hadith, celui de Aïcha, chez l'imam muslim, que celui qui innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. J'avais oublié de citer une faïda kadhalik, muhimma fi hadith Aïcha. Had al-hadith yadullu ala anna al-nahi yaqtadi al-fasad. Ce hadith indique qu'une interdiction dans un acte implique que cet acte sera annulé, invalide. Qu'il s'agisse d'une bid'a ou pas, un acte qui est interdit en religion, celui-ci, s'il est accompli, malgré l'interdiction, il sera annulé. Par exemple, faire la salat à une heure interdite. Et là, on parle des salats qui sont mutlaqa. On avait expliqué la dernière fois la différence qu'il y a entre le nawafil, le muqayyada ou le mutlaqa. Le muqayyada, ce sont celles qui ont une cause et qui ont un temps précis. Comme le doha, on avait parlé de doha, on avait parlé de witr, on avait parlé de el-rawatib, les salawats qui sont accrochés aux salawats obligatoires. Et on avait dit le mutlaqa, ce sont les actions obligatoires sans raison que le abd fait de lui-même. Donc quelqu'un qui viendra faire une salat de lui-même, par exemple, avant le Maghreb, sans raison, celle-ci sera annulée, car ce temps est interdit pour la salat. Naam. Wa dhakarna anna al-ulama qalu anna hadhain hadithain yanbani ou yabnani alayhi ad-din kulluh. Tayyib, yanbani alayhi ad-din kulluh. Ces deux hadiths, toute la religion se base dessus. Car en réalité, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent le fond et la forme. Le fond, yani l'ikhlas. Innamal a'mal bin niyat. On a expliqué qu'il fallait, cela impliquait la sincérité envers Allah Azawajal et d'autres choses. Et la forme, c'est le hadith de Aïcha. Donc les actes doivent être basés sur une intention et ils doivent être accomplis en concordance avec la sunna. Fa'ada yuqal fi lughatina, le fond et la forme. Hada. Naam. Al-yawm sanakhudh ahadith ukhra, inshallah, on va prendre d'autres ahadith. Deux ou trois, bihasab al-waqt, ça dépendra du temps. Nakhudh al-hadith al-thalith, troisième hadith. Yaqul al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, an tamim ad-dari, رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Dans ce hadith également que vous connaissez mais qui lui aussi fait partie des 40 nawawiyah, comme beaucoup des hadiths que l'on va prendre, inshallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, la religion, c'est nasiha. Le traduit pas parce que, il y a une raison, ça viendra par la suite. Et il a répété cela trois fois. La religion, c'est nasiha. La religion, c'est nasiha. La religion, c'est nasiha. Et ils ont dit, pour qui, ou envers qui, au message d'Allah, il a dit, envers Allah, son livre, son messager, et ainsi que les gouverneurs des muslimines et les gens du commun, les gens de l'islam. Ouais, j'ai pas traduit un nasiha par le terme al-lazina asma'u kathiran, ou le conseil. Souvent, c'est employé comme étant le conseil. Hadha min ma'ani al-nasiha. Comme ça va apparaître dans l'explication. غير أن النصيحة حين تكون لله أو لكتابه أو لرسوله Cette nasiha, est-ce qu'elle est pour Allah? Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est marcoul de dire que c'est un conseil? Non. Hmm? Du coup. Non. Non. Quand ça concerne Allah Azawajel, ça va prendre un autre sens. Arsène, ça va être un droit. Pour son messager, Kazalik. Et pour son livre, Kazalik. C'est pour ça que Nasiha, dire tout le temps conseil, alors, ça dépend du contexte de la phrase. Et tout le monde connaît le mot Nasiha, donc des fois, la hajata est tarjamati. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات اهتماما للمقام وإرشادا للأمة أن يعلموا حق العلم أن الدين كله ظاهرة وباطنة منحصر في النصيحة وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. Dans ce hadith, le Nabi عليه الصلاة والسلام a répété trois fois cette parole. Cela pour montrer l'importance et en guise d'indication pour la Ummah qu'ils connaissent justement le droit du ilm, du savoir, que toute la religion, son apparent et on dira son intérieur, les choses qu'elle renferme, se limite justement à cette nasiha qui va être expliquée. Et comme l'a dit le frère Mehdi, c'est justement de rendre ces cinq droits. Droit d'Allah, de son prophète, de son livre, des gouverneurs, des gens de la masse de l'islam. يقول فالنصيحة لله الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بصفة الكمال على الوجه لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه. Donc cette nasiha pour Allah, c'est reconnaître son unicité. Qu'Allah Azza wa Jal se singularise par ses attributs parfaits sous tous les angles et que personne ne l'égalise en cela. D'aucune manière. D'appliquer la servitude à Allah en apparent et en externe et interne. Que cela soit externe et cela soit interne également. Et de sans cesse revenir vers lui. D'accord? Par cette même servitude. C'est-à-dire que le abd, à chaque instant de sa vie, où qu'il soit, quelle que soit la circonstance, il reste un serviteur d'Allah Azawajal. Qu'il soit au travail, qu'il soit en famille, qu'il soit en loisir, qu'il soit en train de dormir. Bon, quand il dort, il n'est pas mon kallaf, mais bon. Quoi qu'il fasse, qu'il se rappelle, c'est un musulman. Bon, il n'y a pas la religion, c'est un temps et un temps, non. Aynama kunta anta muslim, abdun lillah. Tu le sais, tu te rends compte. D'accord? Et alinaaba ilayhi, c'est revenir vers lui, mais ce n'est pas seulement le retour, c'est un retour et un maintien sur ce retour. C'est tu reviens vers Allah Azawajal et tu continues là-dessus. Parce que tu as des gens, des fois, ils font des choses, et à tout bout, il y a des gens qui vont faire des choses, des actes, ils vont faire tawba, mais cette tawba, elle est, on va dire, temporaire. Et peu de temps après, ils reviennent sur l'erreur qu'ils commettaient. Amma inaba, tarji' ilayhi wa tastaqim. Tu reviens vers lui, et là, tu perdures sur cette droiture. Tu te maintiens autant que tu peux. Qal, wa talabu rahbatan wa rahbatan ma'a tawbati wa l'istighfar ad-da'im. Et toujours revenir vers Allah par crainte et par convoitise. On craint sa colère, on craint son châtiment, on craint de ne lui déplaire et on convoite son agrément, son pardon, sa récompense, son jannah, tout ce qui s'ensuit. Tout en étant en repentir continuel et en demande de pardon. لِيَنَ الْعَبْدَ لَبُدَ لَهُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي شَيْءٍ وَاجِبَةِ اللَّهِ أو التجري على بعض المحرمات بالتوبة الملازمة والاستغفار التام ينجبر نقصه ويتم عمله وقوله. Pourquoi? Car le serviteur sera toujours dans une forme de négligence. Il y aura toujours des manquements. Ça, c'est inévitable. Dans des choses obligatoires, il y aura des manquements. Dans des interdits, il y aura des infractions. C'est inévitable. Donc, par le fait d'être constamment en tauba, en estighfar, cela va combler ses manques. Et ça va perfectionner les actes et les paroles. Maintenant, at-tawba, ma'ana at-tawba al-khassa wal-amma. On a la tawba qui est khass pour un acte que tu sais que tu as fait en particulier. Tu as commis telle faute, tu fais tawba de cette faute-là, en elle-même. Il y a des actes, on fait tellement de fautes, on ne s'en rend même pas compte. Donc on fait une tawba générale. Et cette tawba générale vient pour effacer ces actes face auxquels on est inattentif. Dans la journée, on a parlé, on a fait du riba, on s'est moqué de quelqu'un, on a dit une parole qui était mauvaise, on n'a pas baissé le regard, on a eu un mauvais comportement, on ne s'en est pas rendu compte. Fabi-istighfar wa tawba da'im, hada yumha inshallah. En faisant la tawba de façon continuelle, à la demande de pardon, cela efface ces actes dont on ne s'en rend pas compte. Biznillah ta'ala. Et cela également, comme le dit l'auteur, ça va perfectionner les actes que tu auras accomplis et les paroles que tu auras prononcées. Donc ça, adamana nasiha lillah. Voyez, donc est-ce qu'on peut dire que c'est un conseil, ça? Non. Mayatibi marnal, ce n'est pas pour moi le conseil. Donc, kazalik ba'dal ulama, fassalu marnal nasiha bi marna al-ikhlas. La sincérité. Et moi, je vois même que le mot sincérité est plus approprié que le mot conseil. Donc, les cinq hukouk qu'on va prendre là, le mot sincérité, ad akrab il al-ma'na, al-matlou. Inch'Allah. قال وأما النصيحة لكتاب الله فبحفظه وتدبره وتعلم ألفاظه ومعانيه والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي غيره. النصيحة pour le livre d'Allah, c'est de le mémoriser, de le méditer, de comprendre les termes qui y sont cités et les sens, ainsi que l'effort à fournir dans l'application en soi-même et pour les autres. Car le livre d'Allah Azza wa Jal, لِمَاذَا نُزِّلَ عَلَيْنَا لِنَعْمَلَ بِهِ. Ce livre a été révélé pour qu'on l'applique. C'est ce livre-là qui nous indiquait le sens de notre existence sur ce bas monde et comment obtenir le secours et la sauvegarde et la réussite. مَا فِي غَيْرُ. Et tout ce qui est en dehors du Coran, إِمَّا سَيُوَفِكَ الْقُرْآنَ وَإِمَّا يُعْتَبَلْ فَلْسَفَ. Soit ça va être des choses qu'on va trouver chez des gens qui ne sont pas de l'islam, qui vont dire des choses correctes, qui sont vraies. On va dire ces choses-là sont vraies, l'islam nous l'apprend déjà. Tu ne nous as rien appris. Ou alors ça va être des paroles, c'est de la philosophie qui ne servira à rien du tout. أَمَا الْقُرْآنَ يَنِيَ الدِّينَ الْخَيْرُ كُلُّهُ مَوْجُودُ فِيهِ. Donc des fois les gens vont chercher à droite à gauche, lire un tas de choses. Le Coran, il est sur le buffet en poussiéré. Khata. Ala khata. Première chose, si tu veux comprendre à pouvoir cerner ce qui tourne autour de toi dans la vie et tout, c'est le Coran qui va t'indiquer. C'est pas les informations. C'est pas les réseaux. C'est pas le journal. C'est pas le journaliste un tel. C'est pas l'écrivain un tel, philosophe. Non, c'est le Coran qui va t'indiquer. On va aller comme ça. Donc c'est ça le nasiha li kitabillah. C'est le mémoriser, pour le méditer, pour l'appliquer en soi-même, et également pour les autres. Le comportement qu'on va avoir avec autrui. Donc, Azalik, elle, Kalimat, le mot conseil, ça convient là? Ça convient pas. Conseil pour le livre d'Allah, Azawajal, le mot conseil convient pas. Mais est-ce que le mot sincérité convient? Il convient? C'est sincère avec ce livre. Hada yunasib, Inch'Allah. Thumma qal, wa amma nasihatu li rasul, alayhi salatu wa salam, fa hiya l'imanu bi, l'imanu bihi, wa mahabbatihi. Au bel, فهي الإيمان به ومحبته وتقديمه فيها على النفس والمال والولد واتباعه في أصول الدين وفروعه وتقديم قوله على قول كل أحد والاجتهاد في الاهتداء بهديه والنصر لدينه. Donc cette nasiha pour Rasoul, c'est de croire en lui et de l'aimer, de faire devancer son amour sur l'amour des choses qu'on pourra avoir, comme l'argent, comme les proches, comme la famille. Bel, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilayhi min malihi wa walidihi wa waladi wa nas ajma'in. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'aucun d'entre vous ne croira véritablement tant que je ne serai pas aimé auprès de lui, plus que c'est bien son propre père, son enfant, de tous les gens. Que tu l'aimes plus que tout. D'accord ? Mais pourquoi on l'aime ? Ma nuhibbu li dhatihi. Nuhibbuhu lillah. On ne l'aime pas pour lui-même. On l'aime pour Allah Azza wa Jal. La seule chose qu'on aime pour elle-même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le reste, on aime pour Allah. Vous voyez ? Tout ce qu'on peut aimer, puis il y a des dunya, c'est un amour qui sera pour Allah. La seule chose qu'on aime en elle-même, c'est Allah Azza wa Jal lui-même. Que ce soit nos parents, que ce soit nos proches, quoi que ce soit, on parle d'un amour légiféré là. Cet amour légiféré, si on l'aime, c'est pour Allah. Non, c'est une chose qui est importante, il ne faut pas oublier. Et si cet amour il est légiféré, alors on aura le comportement légiféré qui va avec. Mais si cet amour n'est pas pour Allah, c'est là qu'on va justement dévier. On va aimer une chose trop, et on sera éprouvé par cette chose-là. On aime trop nos enfants, on sera éprouvé. On aime trop notre argent, on sera éprouvé. Et on en souffrira. Tout ce qu'on aime plus qu'Allah Azza wa Jal, on en souffre, en réalité. On en souffre. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime pour Allah Azza wa Jal, mais on l'aime plus que tout. Car il est, on va dire, le modèle. Si l'être humain par excellence, c'est lui. L'être humain par excellence, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le modèle humain pour tous, d'accord, dans la voie à suivre, dans le comportement et tout, c'est lui. Donc nous, on doit s'efforcer de le ressembler le plus possible. Autant qu'on peut. Et lorsqu'on n'y arrive pas, comme Azakarna fait fil Sharh Sabiqan, on fait l'estighfar, car on sait qu'on ne pourra jamais être comme lui. Donc ce manque, on le comble par les taubas et les stirfars de Révalika. Et on fait le plus d'actions bonnes possibles. Taïeb. Ce maqal, ah non, mais j'ai oublié de traduire, et également qu'on fait devancer sa parole sur toute parole. Tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et qu'on sait que c'est authentique, un hadith qui est authentique, on le devance sur tout. Wallahi, wallahu fi shay. تراه ببصرك ويخالف حديثا فقدم الحديث على ما ترى. Si tu admets, tu voyais une chose de tes propres yeux et qu'il y a un hadith authentique qui contredit ce que tu auras vu, tu dois faire devancer le hadith. Un exemple, un hadith qui fait parler beaucoup de gens en mal. Le hadith de la mouche. Il dit وقع الذباب في شرب أحدكم فليرمسه قبل أن يشرب. فَإِنَّ فِي أَحَدْ جَنَاحِ الشِّفَاءُ فِي الْآخَرْ أَدَّى. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il y a une mouche, c'est un hadith rapporté par le Bukhari, authentique, tombe dans l'abreuvage de l'un d'entre vous, qu'il enfonce la mouche dans l'abreuvage avant de boire. S'il veut boire, c'est pas obligé, mais s'il veut boire, la mouche, il la noie totalement. Pourquoi ? Car il dit que dans l'une des ailes, il y a un poison, et dans l'autre, il y a le remède. Des gens, parmi les scientifiques, ils ont cherché à dire la mouche, on n'a rien trouvé dedans. T'as rien trouvé, mais nous, on y croit. Que t'aies trouvé ou que t'aies pas trouvé, on y croit. Parce qu'il y a des gens, ils n'y croient que lorsqu'on leur dit, tel docteur, il a vu, tel docteur, ah, et là, ils croient. On dit, nah. Elle dit, même moi, wakada. Si on sait qu'Allah Azza wa Jalla, son livre, il l'a dit. Et que le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, on y croit. Et ça, il mène. Pas besoin de voir. Pour croire. Là, c'est un fikr qui est baratil. Je ne crois que ce que je vois. Il y a plein de choses que les gens ne voient pas, ils y croient pourtant. Même là-dessus, ils sont en contradiction. Quoi qu'il en soit, nous, si on sait que c'est authentique, c'est de la révélation, on y croit. Les gens vont dire, vous êtes fous. Si on leur dit ça. Mais, hada, Allah, hada, hada wa l'iman. Donc, on doit faire prédominer sa parole sur la parole du quiconque. Quiconque. Et faire l'effort de suivre sa guidée. Vous voyez? Et de secourir sa religion. كيف ينصر الدين بتطبيقه؟ Cette religion commence par le secours en l'appliquant. Sans l'appliquant. Vous voyez plein de gens dire pour l'islam, pour l'islam, pour l'islam, du matin au soir, ils transgressent l'islam. On dit tu veux sauver l'islam? Applique-le déjà. En toi-même. Déjà comprends-le. Ah ouais, chef, comprends-le. Apprends-le, comprends-le. C'est pas une fougue du Hamas, comme des gens ils vont défendre leur pays, ils vont défendre leur quartier ou je ne sais quoi. C'est du Hamas, ça. Ils se battent pour l'islam. Mais tu les vois, dans leur comportement ou autre, l'islam n'est pas appliqué. Donc on dit ce combat-là, il est vain. Awalan tabda bitalab al-ilm. Tu commences par apprendre. بلي خلاص ثم تعمل تابليكي ساشي كون ابليكون لا سنه الاسلام فات بيان بلوس دو ترافاي كو دي جون كي ايتودي اقتربت صلاه العشاء خلاص طيب ساشي كون ابليكون لا ريليجيون sans même avoir à trop parler vous faites plus de khair que des gens qui viennent faire des séminaires, des conférences, qui parlent, des émissions et je ne sais quoi, et qui n'appliquent pas la sunna. Ces gens-là, on ne dit pas que tout ce qu'ils font, c'est vain, mais en réalité, le secours qu'ils veulent apporter, ce n'est pas celui qu'on attend. Ce qu'on attend en premier lieu, c'est comprendre cette religion, car si on ne la comprend pas, on ne pourra pas l'appliquer comme il faut. C'est là qu'on tombe dans les erreurs. طيب دونك سكر على رجل الله عز وجل اولا تتعلم هذا الدين ثم تعمل به ce din tu l'apprends et tu l'appliques comme tu peux donc ça c'était le troisième حق qui est حق الرسول ثم قال اما النصيحه للائمه المسلمين وهم ولاتهم من الامام الاعظم الى الامراء والقضاء إلى جميع من لهم ولاية عامة وخاصة. النصيحة pour les gouverneurs, ce sont ceux qui détiennent le pouvoir. Et là, on parle des gouverneurs musulmans. Amen, musulmans. Parmi eux, on va dire le gouverneur suprême, celui qui sera, parce qu'il y a toujours un au-dessus des autres, et des gens à qui il aura confié des tâches. Toute personne qui représente un État dans un pays d'islam, une autorité, il rentre dans le hukm du gouverneur. Que ce soit les ministres qu'il va mettre, que ce soit la police, les choses qui amènent à la gérance du pays et aux responsabilités, les juges également, les juges et autres, ils rentrent dans la généralité du gouverneur. Bien qu'il y a toujours un homme particulier, mais ceux qui sont sous sa régie dans la gérance du pays rentrent dedans également. Fa bi'atiqad باعتقاد ولا يهتم والسمع والطاعة لهم وحث الناس على ذلك وبذل ما يستطيعه من إرشادهم وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس إلى القيام بواجبهم donc ça amène qu'il faut reconnaître leur pouvoir on doit admettre que telle personne en tant que d'islam c'est le gouverneur voyez l'obéir et l'écouter. L'obéir dans le convenable. Dans ce qui revient à la religion. Mais lorsqu'il appelle à une transgression, le fait de ne pas obéir ne veut pas dire se rebeller, se révolter. Il faut bien comprendre ça. Si un gouverneur amène à dire une chose qui transgresse la religion, on n'obéit pas. Mais est-ce que ne pas obéir veut dire qu'on se révolte, on se soulève? Non. C'est là que justement cette nasiha vient. Que les gens qui sont aptes disent à ce gouverneur que c'est telle et telle chose, c'est une erreur. Et si jamais il persiste, la nasiha a été faite. Et chacun fait comme il peut, il fait sa vie, mais cette chose qui est du muharrama, la na'mal bi. On ne la fait pas. Vous voyez, on lui rend son droit de hakim. Et également, cette attitude, on doit y appeler les gens, les autres. Comme on peut. Et sachez que كثير من الناس يشتكي من الحكام. Beaucoup de gens se plaignent des gouverneurs. كما قيل الحكام على صورة المحكومين. Que le gouverneur est à l'image des gouvernés. Si on veut que le hakim change, on doit changer nous-mêmes. En premier lieu. Allah Azza wa Jalla nous a mis qui on mérite comme gouverneur. Donc ça commence. En premier lieu, l'arrangement, cette réforme, par le nasiha lillah, premier haq. Thumma nasiha lirasoul, ou l'kitabillah. Thumma nasiha lirasoul. Bon, ça commence parce qu'on a dit au début. Cette réforme, elle aura lieu avec la bonne croyance, en suivant le livre, en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite, il y aura du résultat biznillah ta'ala. Thumma khamisan, yaqul, wa amma nasihatu li'amatin muslimin, فبأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويسعى في ذلك بحسب الإمكان، فإن من أحب شيئا سعى له واجتهد له في تحقيقه وتكميله. Donc cette nasiha pour les gens de la masse des musulmans, c'est qu'on aime pour eux ce qu'on aime pour nous-mêmes. On aime pour eux ce qu'on aime pour nous-mêmes. Et on déteste pour eux ce qu'on déteste pour nous-mêmes. Et on s'efforce autant que possible de l'appliquer. Car lorsqu'une personne elle aime une chose, elle convoite une chose, normalement, se donne les moyens de l'obtenir. Donc là, ça revient au sens sincérité. Tu es sincère avec les autres musulmans. Quand tu vois un défaut, et tu peux essayer de l'arranger, tu lui dis. Ça s'appelle conseil également. Mais ce conseil, à la base, c'est quoi ? C'était sincère envers lui. Tu dis les choses comme il faut. Et la nasiha, elle se fait en fonction de la situation. Des fois, elle peut être en secret. Des fois, elle peut être la base, c'est qu'elle est douce. Et des fois, elle peut être plus stricte, plus sévère. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Et ça dépend du mal qui a été commis également. D'accord ? Ça dépend de plein de choses. Ça, c'est un autre sujet. Fa'al Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fassara an-nasihata bi hadhihi al-umur al-khamsa التي تشمل القيام بحقوق الله وحقوق كتابه وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم فشمل ذلك الدين كله ولم يبقى منه شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أكلاه في سكوجة النصيحة dans ces cinq choses qui regroupent de rendre le droit à Allah عز وجل. Tous ses droits. Le droit de son livre, de son messager, et de tous les musulmans. Et chacun en mesure de son statut, de son niveau social. Le gouverneur, tu ne peux pas te comporter avec lui comme le petit voisin de d'à côté. Il a un chèque, il a un rang. Vous voyez, pareil, ton employeur, si elle est un employé, tu ne peux pas te comporter avec lui comme ton collègue. Ben, comme le Zalika, ton père, tu vas pas te comporter avec ton père comme avec ton petit frère. Chacun, il a un rang. Et donc, à chacun, on rend son droit. Et chacun, l'aptitude qui convient. Non. Oh, ça n'a pas le hadith en rabia, Inch'Allah. Fahimtum le hadith? Donc, en réalité, Narjia ila makulna, là, on voit que le mot conseil pour nasiha n'est pas forcément le bon mot. Il peut l'être. On va aller comme ça. Il peut l'être, comme il peut ne pas l'être. Ça dépend qui est l'interlocuteur ou qui est quel est l'objectif à atteindre avec cette nasiha. Mais le mot ikhlas, ala munasib, biznillah. Être sincère, ça correspond aux cinq propos qu'on a pris. يقول الحديث الرابع كثير من الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى أعربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. أبو هريرة رضي الله عنه apporte que un bédouin à la base l'arabi c'est le bédouin, c'est l'équivalent du compagnon. Et eux, c'était des nomades. Et c'est des gens qui avaient moins, on va dire, d'éducation que les gens de la ville, que les citadins. Et c'était plus dur, plus rustre. Et il a dit, ce bédouin, indique-moi une œuvre dont l'application me fera rentrer au paradis. Cette œuvre, si je l'applique, je rentrerai au paradis. Ça, c'est la meilleure des questions qu'on puisse poser. Allah. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu adores Allah et tu ne lui associes rien du tout. Tu accomplis les salats qui sont obligatoires. Tu t'acquittes de la zakat qui elle-même est obligatoire. Et tu fais le siyam de Ramadan. قال والذي نفسي بيده لا زيد ولا هذا شيئا ولا انقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. Donc il a dit quoi ce bédouin ? Il a juré par celui dont son âme est dans sa main, je ne vais rien ajouter à cela, ce que tu m'as dit, ni rien en réduire. C'est-à-dire, je vais me contenter de cela. Et lorsqu'il s'en est retourné, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui aimerait voir une personne du paradis, qui regarde cet homme. Qui regarde cet homme. Yaqul, qad waridat ahadith kathiratun fi hadha al-asl kabir. L'auteur, il dit qu'il y a beaucoup de hadiths qui ont le même sens que ces hadiths-là. Que des hommes ont demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam des actes, qui s'est contenté de leur citer les obligations. Et que par cela, ils ont eu la récompense. وَكُلُّهَا مَدْلُولُهَا مُتَّفَقُونَ عَلَى أَوْ مُتَكَارِبُ. Elles ont toutes le même sens ou sont approximatifs. عَلَى أَنَّ مَنْ أَدَّى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِحَسَبْ الْفُرُودِ الْمُشْتَرِكَةِ وَالْفُرُودِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْأَسْبَابِ التي من وجدت فيه وجدبت عليه فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات استحق دخول الجنة. Donc ce hadith nous indique que celui qui accomplit les choses obligatoires et qui évite les choses interdites mérite de rentrer au Jannah. لأن أحب الأعمال إلى الله ما افترض علينا. Les actes préférés d'Allah Azzawajal, c'est que Allah Azzawajal nous a rendu obligatoire. Et ça qui passe en premier. Comme le montre ce hadith et d'autres. Et dans un autre hadith, qui a le même sens également, قال الرجل يا رسول الله رأيت إذا صليت الصلاة المكتوبة وأديت الزكاة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. Il a dit quoi cet homme? Au message d'Allah, vois-tu si jamais je faisais les 5 salats obligatoires, que je m'acquitte de la zakat, et que je fais le siyam de Ramadan, et que je rends halal le halal, c'est-à-dire ce qui est halal, j'ai le droit de le faire. وحرمت الحرام, c'est-à-dire ce qui est haram, je le laisse. Est-ce que j'entrerai au Jannah? Le Nabi Salam a dit oui. Donc c'est important, car des gens ils disent, moi je fais ce qu'obligatoire. Naam. Est-ce que tu délaisses ce qui est interdit? Non. Il va faire les 5 salawat. Tamam. Il va faire la zakat, il va la donner. Alhamdulillah. Il va faire son siyam. Tayyib. Le hajj là n'est pas cité, car peut-être qu'il n'était pas encore rendu obligatoire à ce moment-là, ou que le hajj, comme vous le savez, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a cité les choses qui étaient primordiales, à la portée de tous. Donc t'as déjà, ils font tout ça. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du haram. Donc ce hadith n'est pas un argument pour eux. Ce hadith dit bien, tu fais ce qui est obligatoire et tu délaisses l'interdit. Là, tattasif bi hadith sifat allati takunu fi man yastahiq an yadkhula al-jannah. Là, tu seras, comment dirais-je, tu auras les caractéristiques des personnes qui méritent le jannah. On dit bien qu'ils méritent. Car le jannah, il n'y a que Allah Azzawajal qui sait qu'il va y rentrer. Mais on dit que toi, là, ce qui apparaît de toi, rentre dans les caractéristiques des gens du paradis. قال والنجاة من النار également la sauvegarde du feu. من اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام والإيمان. Donc celui qui se caractérise par ses attributs et parmi les gens qui méritent de rentrer au paradis et qui méritent le nom pur de l'islam et de la foi. وصار من المتقين المفلحين وممن سلك الصراط المستقيم. Donc cette personne-là sera considérée comme étant une personne qui craint Allah parmi les gens de la réussite et qui achemine sur le chemin droit. Maintenant, sachez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yurti al-nasiha al-bayan bihasab al-mukhatab. Il donne un conseil, une indication, une directive en mesure de l'interlocuteur. Les gens ne sont pas tous les mêmes. Car d'autres sahaba ont posé la même question, et le Nabi a rajouté les choses. Il a rajouté Qiyam al-Layl, il a rajouté les sadaqas, il y a plein de choses. Cet homme-là, la'alaw kana mubtadi'an. Ça dépend de la personne. Vous voyez? Mais à la base, c'est celle-ci. Al-Tawhid, wa al-Qiyam al-Wajibat, واجتناب المحرمات. سي لو توحيد ابيكي زوبليغاسيون ايفيتي لي انتردكسيون. نعم نكتفي بهذا القدر اليوم. وسبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.